بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Donc il dit le Cheikh rahimahullahu ta'ala dans le neuvième point: l'imitation des savants et des adorateurs transgresseurs. Allah a désapprouvé cela par sa parole: ô vous qui avez cru, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et sa parole dit aux gens du livre: n'exagérez pas en votre religion s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin. Donc, hadhihi al-mas'ala, ce point-là, c'est un point très important et qui est en relation avec toutes les époques. Dans toutes les époques, cette mas'ala-là, elle est présente. Et nous comprenons de la parole de l'auteur rahimahullahu ta'ala qu'il y a deux catégories de savants. Il y a deux catégories de savants. Et il y a les savants qui ont al-ilm et qui ont al-amal. C'est-à-dire que ta'allamu al-ilma wa amalu bihi. Ils ont appris la science religieuse et ils l'ont mis en pratique. وَبَيَّنُوا الْحَقِّ لِلنَّاسِ وَلَمْ يَكْتُمُوا مِنْهُ شَيْءٍ. Ils ont éclaircifié la vérité aux gens et ils n'ont pas caché rien aux gens. Ils ont tout expliqué aux gens. Et il y a une deuxième catégorie qui est الْعَالِمُ الَّذِي لَا يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ وَلَا يُبَيِّنُ الْحَقَّ الَّذِي تَعَلَّمَهُ. Il y a des savants qui ne pratiquent pas ce qu'ils connaissent comme science et ils n'expliquent pas ou ne montrent pas la vérité qui est venue dans la parole d'Allah Azza wa Jal et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que le Cheikh rahimahullahu ta'ala, il les appelle al-fasaqa, les pervers parmi les savants, les pervers. Ou si tu veux, tu peux les appeler aussi ulama as-su, les savants de mauvais, les mauvais savants. Donc avant de éclaircir plus ou moins cette parole, il faut comprendre qu'est-ce que al-fisq. Il faut comprendre qu'est-ce que la perversité. Et la perversité, c'est al-khuruj an ta'atillah. Al-fisq huwa al-khuruj an ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Wa lidhalika qala ibn Atiyyah al-mufassir: al-fisq fi 'urf al-isti'mal al-shar'i al-khuruj min ta'atillah. فقد يقع على الخروج بكفر ولا وعلى الخروج بعصيان. Donc la perversité, c'est le fait de sortir de l'obéissance d'Allah, il dit Ibn Atiyyah. Et ceci peut être aussi bien par la mécréance que par le péché, que par le péché. Donc nous comprenons de la parole d'Ibn Atiyyah qu'il y a deux catégories de fisq. Il y a le fisq al-mukhrij min al-millah wa al-fisq alladhi la yukhrij min al-millah aw al-fisq al-akbar wa al-fisq al-asghar. Il y a donc la perversité qui fait sortir de l'islam et la perversité qui ne fait pas sortir de l'islam. Ou bien on peut la nommer aussi la grande perversité et la petite perversité. Donc, Al-Qur'an al-Karim, aktharu al-isti'mal, c'est-à-dire tout, la plupart de l'utilisation de l'fisq dans le Qur'an, c'est pour désigner al-fisq al-akbar. C'est pour désigner la grande perversité. Donc, quand Allah Azza wa Jal, en général, je parle, utilise le mot fisq, c'est égal à al-kufr. C'est la même chose. Sauf dans certains versets. Notamment le verset où Allah dit « Wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu » Donc Allah il dit « Si un pervers vient avec une information, cherchez avant de la considérer ou de la prendre en considération. » Donc quel fisq ? Fisqan. Akbar wa asghar. Mukhrij min al-milla wa ghayr mukhrij min al-milla. Donc il y a une perversité qui te sort de l'islam, une perversité qui ne te fait pas sortir de l'islam. Qala Muhammad ibn Nasr al-Marwazi rahimahullah ta'ala al-fisq fisqan. Fisq yanqulu 'anil milla wa fisq la yanqulu 'anil milla. فيسمى الكافر فاسقا والفاسق من المسلمين فاسقا. Donc il dit Mohammed ibn Nasr al-Marwazi rahimahullah, la perversité est deux perversités. Il y a celle qui te fait sortir de l'islam et celle qui ne te fait pas sortir de l'islam. Donc on nomme le mécréant pervers, comme nous nommons le pécheur pervers parmi les musulmans. Donc celui qui commet un grand péché, eh bien, c'est un fasiq. Yutlaq alayhi al-fisq. Et celui qui est mécréant aussi, eh bien, c'est un fasiq. Donc le premier, c'est celui qui sort de l'islam, qui est de la mécréance. Donc il peut être aussi bien lié à la croyance, comme il peut être lié à l'action. Donc, al-fisq al-mukhrij min al-milla yata'allaq bil-i'tiqad kama yata'allaq bil-qawli wal-amal. Donc, il est en relation avec la croyance comme il est en relation avec la parole et l'action. Qala ta'ala inna al-munafiqina humul fasiqoun. Il dit certes, les hypocrites sont les pervers, dans le sens, sont pas des musulmans. C'est dans ce sens-là. وقال الله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يعني يكفر بها. الذي يكفر بآية الله هو إيش؟ وكافر. ولا وما يكفر بها إلا الفاسقون فأطلق الله عز وجل على فعل يخرج من الملة أنه فسق أو على فاعله أنه فاسق. Donc Allah عز وجل il a dit et nous avons fait descendre des versets clairs et ne mécroient en ce verset que les pervers, dans le sens où c'est un mécréant. Puisque mécroire au verset d'Allah, c'est de la mécréance. Donc il a cité cela. Donc, wa fisq la yukhriju alil millah. Il y a une perversité qui ne sort pas de l'islam. Elle peut être aussi liée à la croyance, à la parole et à l'action. Comme c'est le cas pour celle qui sort. Donc ça peut être par exemple qu'une personne ait une croyance erronée, mais qu'il ne le fait pas sortir de l'islam. Comme par exemple, Al-Mubtadi'a qu'ils ont une croyance qui est erronée dans certaines choses qui sont en relation avec Al-I'tiqad, avec la croyance. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, fisqu ahli al-bid'a alladhina yu'minuna billah wa bi rasulihi wal yawm al-akhir wa yuharrimuna ma harrama Allah wa yujibuna ma awjaba Allah lakin yanfuna kathiran mimma athbata Allah wa rasuluhu jahlan aw ta'wilan aw taqlidan li shuyukhihim ma lam yuthbituhu Allah wa rasuluhu kadhalik. Donc il dit Ibn al-Qayyim, la perversité des gens de l'innovation, donc il les a nommés comme étant des pervers, et que leur action, leur croyance est une perversité, qui croient en Allah et en son prophète et au jour dernier, qui rendent, qui interdisent ce que interdit Allah, et qui rendent obligatoire ce que rend obligatoire Allah Azza wa Jal, cependant ils renient une partie de ce qu'Allah Azza wa Jal s'est attribué comme attribut ou lui a attribué son prophète, soit par ignorance, soit par interprétation, soit par suivi aveugle. Donc ceci est une perversité. Le fait d'avoir une croyance erronée, bien sûr, à condition que ce n'est pas une croyance qui te fait sortir de l'islam, eh bien c'est une perversité. Donc al-fisq, qui ne sort pas de l'islam, dans l'action, il peut être d'une multitude de sortes. Notamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Sibabul muslim fusuq ». Le fait d'insulter un musulman, c'est une perversité. Le fait d'insulter un musulman, c'est une perversité. Est-ce que cela veut dire que la personne qui insulte un musulman n'est pas musulman? Non. Ça veut dire que il a commis un péché qui le rend pervers. Donc c'est pour cela que il faut bien faire la distinction entre les deux perversités. Donc Ahlul Jahiliya, les gens de la période pré-islamique, كانوا يقتدون بأهل العلم الذين لا يعملون به ولا يصدعون بالحق الذي جاء به الكتاب والسنة. Donc les gens de la période pré-islamique, ils suivaient les savants qui ne mettent pas en pratique cette science ou qui ne disent pas la vérité. La vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما هم عليه. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم est venu pour abolir cette action. Donc est-ce que cette action, si on la met à notre époque, le fait de suivre les savants qui sont pervers ou bizarres, est-ce que ceci est présent à notre époque? Eh bien, ceci, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont, entre guillemets, savants pervers, qui sont suivis par des gens multiples. Et que, justement, même, les gens, certains vont les chercher lorsqu'il faut. Lorsqu'il faut appuyer ou confirmer quelque chose qui est erroné, ils vont chercher ces gens-là pour appuyer ou confirmer ces choses-là qui sont contraires à la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc l'auteur, rahimahullah, il cite le verset Ya ayyuhalladhina amanu inna kathiran min al-ahbar war-ruhban la ya'kuluna amwal an-nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Donc beaucoup, ô vous qui avez cru, beaucoup de rabbins et de moines mangent. Ils mangent l'argent des gens illégalement. Et ils freinent ou obstruent le sentier d'Allah Azza wa Jal, la voie d'Allah. Et ceci est très répandu à notre époque. Même si maintenant on ne considère pas que certains sont des savants, mais مثلاً, ça peut être des imams de mosquées. يصدون عن سبيل الله. Ça peut être des gens qui ينتسبون إلى العلم والدعوة. يصدون عن سبيل الله. Ils obstruent le sentier d'Allah Azza wa Jal. بتزيين الباطل. En décorant le faux. وبترك الحق. وهذا قد يكون جهلا منهم. ربما يكون الإنسان جاهل. أو تقليدا لغيره. Ou par passion ou par ignorance. والله تعالى أعلم. Donc Ibn Kathir رحمه تعالى فسر هذه الآية. الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وكلام ابن كثير مهم. C'est-à-dire la parole d'Ibn Kathir, elle est importante à bien comprendre. قال رحمه الله قال السدي الأحبار من اليهود والرهبان من النصارى قال ابن كثير وهو كما قال فإن الأحبار علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى. Donc le Cheikh Rahimahullah, il a, le Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, lorsqu'il a parlé, il a dit le fait de suivre les savants pervers et les adorateurs pervers aussi. Celui qui a beaucoup d'adoration, yudhiru as-salah, wa huwa laysa kadhalik. Donc les gens, ils vont le suivre par le fait qu'il montre qu'il est pieux dans la religion. Donc il dit, les rabbins sont les savants des juifs. Et les moines sont les adorateurs des chrétiens. والقصصين هم علماءهم. القصص, c'est le savant des chrétiens. والمقصود, l'objectif, التحذير من علماء السوء وعباد الضلال. المقصود من الآية, l'objectif du verset, il dit Ibn Kathir, c'est le fait de mettre en garde contre les savants du mal et les adorateurs de l'égarement. Les savants du mal, nous avons dit, c'est ceux qui ne pratiquent pas leur science ou ceux qui ne disent pas Al-Haq. Et les adorateurs de l'égarement, c'est ceux qui ont une adoration importante, mais qui sont en réalité contraires ou qui sont dans un égarement qui est contraire au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a l'exemple des soufis, as-soufiyya. Fa'inna al-nas fil buldan al-arabiyya yata'atharuna minhum. Sahih ou non? Dans les pays arabes, les gens, ils sont touchés par les soufis. Pourquoi? Parce qu'ils ont une ibadah, ils ont beaucoup d'adoration, même si elle est batila. Zahiran yudhiruna az-zuhda wa at-ta'abbud lillah. Donc apparemment, ils montrent une certaine adoration, une certaine pratique et qu'ils sont soumis à Allah. Ils ont un certain comportement aussi. Yasbiruna ala adha an-nas. Généralement. Fan-nas yata'ajjabuna minhum. أو بهم ويتبعونهم في ضلالهم. Ils les suivent dans leur égarement. Et c'est pour ça que tu vois dans les pays arabes, la plupart des musulmans là-bas, ils fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Mawlid al-Nabawi. Ils font la fête là-bas, tous presque. Ils achètent la poule, ils égorgent, ils font un repas, etc. Tout ça, ils l'ont pris parce qu'ils ont été touchés par les soufis qui font de ce jour un jour immense. Et ils ont été touchés par les soufis, pourquoi? Parce qu'ils ont une adoration qui est importante. Al-Nabi alayhi salatu wa salam, il a parlé de ça. Il a parlé de ça lorsqu'il a parlé de qui? Lorsqu'il a parlé des Khawarij. Al-Khawarij, qui sortent de l'islam plus vite que la flèche sort de sont de l'arc ou de la chose où on met les flèches, il a parlé, il a cité dans leur qualité ou dans leurs caractéristiques que c'était des grands adorateurs. Que l'un d'entre eux, l'un des compagnons, il a dit, Nabi Sallam, tahqiruna salatakum 'inda salatihim. Vous allez considérer vos prières comme des prières qui valent rien lorsque vous allez les voir prier. Regarde. Mais cependant, Nabi Sallam, il a mis en garde contre ces gens-là. Et il a dit que leur adoration importante ne vous touche pas. Il ne faut pas que leur adoration à eux, ils font beaucoup d'adoration, ça vous touche. Ils sont égarés. Vous comprenez? Eh bien, c'est l'exemple des soufis aujourd'hui. Même si pour quelqu'un qui a un tout petit peu d'aql, qui a un tout petit peu de raison, et dont la sainte nature est saine, il va voir les soufis, il va les rejeter. Ils dansent, ils font des trucs de malades. Mais malheureusement, les mujtama'a muslims, ils sont arrivés à un niveau de zawal al-aql wa wijaj al-fitra qu'ils yu'azzimunahum. Ils sont arrivés à un niveau de plus de raison et plus de fitra. La fitra est détournée. Ils suivent, quand ils voient les soufis, ils sont touchés par eux. Donc il ne faut pas être touché par cela. Donc il dit, qala Sufyan ibn Uyayna, man fasada min ulama'ina kana fihi shibhun bil yahud, wa man fasada min ubbadina kana fihi shibhun bin nasara. Donc il dit, ibn Kathir, toujours c'est la parole d'ibn Kathir, celui parmi nos savants qui a été détourné, yani qui a délaissé l'action, ou qui a pas dit le haq, il ressemble aux juifs, aux savants des juifs. Et celui qui est détourné parmi nos adorateurs, parmi nos pieux, il ressemble aux chrétiens. Donc, mes très chers frères, il est rapporté même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même dans la parole d'Allah azza wa jal lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala que Allah azza wa jal a maudit une partie des gens des Bani Israël sur la langue de Daoud et de Isa ibn Maryam. Pourquoi? Parce qu'il ne s'interdisait pas le mal. C'est-à-dire que le savant, il était là et il s'asseyait avec la personne qui fait du haram. Et il ne lui interdisait pas. Alors Allah Azza wa Jal, il les a maudits. قال ابن كثير والحاصل التحذير من التشبه بهم في أحوالهم وأقوالهم. ولهذا قال ليأكلوا أموال الناس بالباطل ذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين يأكلون الدنيا بالدين وبمناصبهم ورئاستهم في الناس يأكلون أموالهم. Donc il dit Ibn Kathir, et c'est pour cela qu'il faut prendre garde à ne pas leur ressembler dans leurs paroles et dans leur situation. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit, ils mangent l'argent des gens illégalement. Ils mangent la dunya, ce bas monde, avec la religion, avec leur place au milieu des gens. Ils mangent leur argent. Regardez, Ash-Shi'a, alayhim ul-la'a'in. Les Ar-Rawafid, ils mangent l'argent, les savants des chiites, ils mangent l'argent des suiveurs. Chaque année, les suiveurs doivent leur donner Al-Khums, 20% de leur argent. Il doit leur être donné. Ceci est dans leur religion. Al-Khums, 20%. T'imagines, même Zakat, qui est obligatoire et légiféré, Allah Azza wa Jal, il a demandé 2,5% de l'argent qui a été conservé une année. Eux, ils prennent 20%. Al-Khums. يأكلون أموالهم بذلك كما كان الأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عندهم خرج وهداية وضرائب. Il dit comme les savants des Juifs, ils avaient à l'époque de la période pré-islamique, ils avaient une place auprès des gens et ils avaient par leur position auprès des gens, ils leur donnaient des terres. Il leur donnait des cadeaux, il leur donnait des impôts. تَجِئُ إِلَيْهِمْ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ اسْتَمَرُّ عَلَى ضَلَالِهِمْ وَكُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ طَمَعًا مِنْهُمْ أَنْ تَبْقَ لَهُمْ تِلْكَ الرِّئَاسَاتِ فَأَطْفَاهَا اللَّهُ بِنُورِ النُّبُوَّةِ وَسَلَبَهُمْ إِيَّاهُمْ وَعَوَّضَهُمْ بِالذُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ. Masail Jahiliya Biddabt. Il dit, ils ont continué, lorsque le prophète, Allah a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont continué dans leur égarement, et dans leur mécréance, et dans leur rejet de la religion, en pensant préserver leurs intérêts. En pensant préserver ce qu'ils ramassaient des gens, ce qu'ils mangeaient. Allah Azza wa Jalla l'a éteint avec la lumière du message. Et il leur a donné en contrepartie l'humiliation et la mesquinerie. Et ils ont reçu la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, kalam ibn Kathir, yasudduna an sabilillah. Ay, hum ma'a aklihim al-haram, yasudduna an-nas an ittiba'i al-haq, wa yulabbisuna al-haq bil-batil. C'est comme ça. Il dit, lorsqu'ils mangent le haram, ils détournent, ils rebutent les gens de la voie qui est la voie de la vérité. هذا جانب. يعني بأفعالهم. Et ceci est une réalité jusqu'à maintenant. Quand on entend مثلاً un imam dans une mosquée, il a volé 10 000 euros dans la mosquée. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis, هذول اللي بالحياة là, ils servent à rien. Tout le monde il va dire ça. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire par son action, lui, il parle, il dit oui, ça, sadaqa, tout ça, il motive les gens, à la fin, ils volent la caisse. Et yarab. Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, regarde, c'est ça les boulhiyas là? C'est ça les musulmans? Pourquoi? Parce que il a khalaf, il a été à l'encontre de ce qu'il dit. Donc les gens, comme ils l'avaient comme exemple, ils ont vu qu'il a fait le contraire. Il a rebuté les gens de l'islam. Les gens, ils disent, vas-y, laisse tomber les musulmans. Les musulmans, ils disent ça. Ou, il y a une deuxième chose, il dit Ibn Kathir, وَيُلَبِّسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. Ça, c'est un autre djanib. Le djanib l'awwal, c'est qu'il délaisse l'action. Il délaisse l'action avec l'ilm. La deuxième, c'est qu'il mélange, il khallat بين الحق والباطل. Et c'est ça, الشُبْهَة. الشُبْهَة, c'est le fait de mélanger le vrai et le faux. Donc ils vont venir avec des hadiths et des ayats du Coran et tout ça pour te donner un faux. Pour te zayyin un batil. Alors que le haqq il est wadih, que la vérité est claire. Toute personne qui est saint dans son esprit et propre dans sa sainte nature, eh bien elle comprend la vérité. وليظهرون لمن تبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الحق وليس كما يزعمون بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. كلام ابن كثير يعني نفيس جدا. Il dit et eux ils montrent à ceux qui les suivent parmi les ignorants qu'ils appellent à la vérité mais en réalité, ils ne sont pas comme ils prétendent. Et ils appellent au feu. Et le jour de la résurrection, ils n'auront aucun soutien. Le jour de la résurrection, ils n'auront aucun soutien. Donc ceci, les paroles d'Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, ils sont valables jusqu'à Qiyam Sa'a. Et jusqu'à la fin des temps, il y aura des gens qui seront des savants, fi'lan, ils ont de la science, ils ont du bagage, mais ce sont des savants du faux, du batil. Et ils soutiennent le faux. Et ils décorent le faux par du vrai. Pour que ce faux passe comme du vrai auprès des ignorants comme qui les suivent. Comme a dit Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. ثم قال الشيخ رحمه الله وبقوله بقول الله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. Donc ce verset aussi, Allah Azza wa Jal parle, il dit aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion s'opposant à la vérité. S'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin. Donc, il ne faut pas exagérer, transgresser la vérité. Il ne faut pas transgresser la vérité. Donc il dit à Cheikh Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya ay la tatajawazu wa la tata'addu al-haq ila al-batil wa dhalika ka qawlihim fi al-masih. Donc pourquoi elle a ramené ce verset? C'est qu'ils ont une exagération, les chrétiens, lorsqu'ils ont considérer Isa comme étant une chose qui n'est pas en réalité. Ils lui ont donné une manzila, une position qu'il n'a pas en réalité. Isa alayhi salam, abdun min ibadillah, wa rasulun min rusulillah. C'est un adorateur parmi les adorateurs d'Allah et c'est un messager d'Allah. Il n'a aucune position en rapport avec la divinité. Donc lorsqu'ils ont exagéré, il dit, Cheikh Saadi rahimahullah, ne transgressez pas la vérité pour aller au faux. Comme ils ont dit les chrétiens sur Isa alayhi salam. Wa ma taqaddama min hikayatihi anhum wa kaghuluihim في بعض المشايخ وكغلوهم في بعض المشايخ. شوف الكلام هذا ينطبق على زماننا انطباقا كليا. Il dit que leur exagération dans certains de leurs chouyours, de leurs savants. متبعين أهواء قوم قد ضلوا من قبل. هؤلاء المشايخ الذين يتعصبون ويغلون فيهم قد اتبعوا ضلالا كان من قبل. Donc qu'est-ce qu'ils avaient de Nasara? Ils avaient de l'exagération dans leurs savants, dans leurs chouyours. Comme nous voyons aujourd'hui. Wallahi, aujourd'hui tu ramènes à quelqu'un al-kitab wa sunna wa al-ijma et lui dit non, un tel flan il a dit. Flan il a dit. Flan il a khalif le kitab au sunnah wa l'ijma'a ya akhi. Et c'est exactement cela, al-ghulu. Ay yuqaddimuna dalalahum. Aw taqaddama dalaluhum. Wa dallu kathira min al-nas bida'watuhum iyahum ila al-din al-ladhi hum alayh. Wa dallu an sawa'i s-sabil. أي قصد الطريق فجمعوا بين الضلال والإضلال وهؤلاء هم أئمة الضلال. أئمة الضلال الذين حذر الله منهم وعن اتباع أهوائهم المؤدية وآرائهم المضلة. Donc il a dit, Al-Sa'di, ils se sont égarés dans le chemin. Mais ça ne leur a pas suffi. Ils ont contribué à l'égarement des autres. Et c'est cela que Allah Azza wa Jal a mis en garde dans le fait de les suivre. Dans le fait de les suivre. Dans leur chemin qui est un chemin de l'égarement. Donc dans cette mas'ala qu'a cité le Cheikh rahimahullah ta'ala, il y a aussi le fait que nous comprenons de sa parole qu'il y a des savants qui sont des savants du mal. Il y a des savants du mal. Et ceci, il a été dit par beaucoup de savants et beaucoup, et même cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Thauban, fi Sahih ibn Hibban, il a dit « Akhwafu ma akhafu ala ummati ba'di al-a'immatul mudilloun » Donc il a dit « La chose que je crains le plus pour ma communauté après moi, c'est les imams égareurs. » A'immatu al-a'immatul mudilloun. يعني الذين يضلون الناس عن الحق بل إذا قال شخص حق قالوا لا هذا باطل. Donc c'est ceux qui égarent les gens de la vérité, ou même si une personne dit une vérité, ils vont dire non, c'est pas vrai. وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله إن أحبار السوء هم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرمه الله ورسوله وتحريم ما أحبه واعتبر ما ألفه. Donc il dit Ibn Abi al-Izz, il dit les savants du mal ou les rabbins du mal sont les savants qui sont sortis de la législation islamique avec leurs avis ou leurs analogies qui est égarée, qui est tordue, qui rassemble, qui comprend le fait de rendre licite ce qui ne l'est pas et d'interdire ce qui est obligatoire. Donc il faut prendre garde, mes très chers frères, et savoir que notre religion a aboli le fait de suivre les savants égareurs et de prendre garde à eux, comme prendre garde aux adorateurs qui sont égarés, aux adorateurs qui sont égarés. Qala rahimahullahu ta'ala al-ashiratu al-istidlalu ala butlani d-din بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقولهم بادي الرأي. Donc la dixième mas'ala, c'est, il dit l'auteur rahimahullah, la démonstration de la validité de la religion par le peu de compréhension de ces gens, ainsi que leur manque d'apprentissage. Et parmi leurs paroles, sans réfléchir, yani, il disait, ceux-là ne comprennent rien. وهذه المسألة تتعلق باستدلال أهل الجاهلية. Donc les gens de la période pré-islamique, ils avaient une façon de prouver les choses. Vous comprenez ? Parmi les façons qu'ils avaient pour prouver une chose, c'est qu'ils utilisaient, ou plutôt ils regardaient les suiveurs des prophètes pour désigner ce avec quoi étaient venus les prophètes comme vrai ou faux. Alors lorsqu'ils voyaient que la plupart des gens qui suivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient des gens qui étaient des gens simples, qui n'étaient pas des gens qui avaient une grande compréhension, entre guillemets, pour eux, eh bien, ils ont dit, regarde, ceux qui vous suivent, c'est les gens vils, c'est les gens qui n'ont pas d'esprit, un grand esprit. Comme ils disent aujourd'hui, hier. Ils disent aujourd'hui, quand quelqu'un il parle de la religion avec n'importe qui n'est pas dans l'islam, plus, et qui se dit dans l'islam, il dit, on est à l'époque du développement. On est à l'époque de Al-Hadara. Regarde, eux, ils sont montés sur la lune. Des choses comme ça, yani. Et vous, vous êtes encore en train de... Votre front, il est sur le sol encore. Et vous êtes en train de nous dire, mettez Sharia. Sharia qui était il y a 14 siècles. On est en 2014, Asahbi. Vous comprenez? Et ces gens-là, ils ont pris le même dalil, ils ont pris la même manière de prouver les choses que les gens de l'Jahiliya, les gens de la période pré-islamique. Ils ont suivi la même manhajia. Donc il dit, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle du prophète Nuh alayhi salam, وَمَا نَرَاكَ إِلَّا وَمَا نَرَاكَ إِلَّا اتَّبَعَكَ الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَ الرَّأِي. Et nous voyons que ceux qui t'ont suivi, le prophète, alayhi salatu wasalam, ce sont les gens qui n'ont pas un grand esprit, ceux qui sont les bas de notre société, ceux qui sont les gens qui servent à rien dans la société. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que c'est celui qui a, lorsqu'il dit Badi al-Ray, ou celui qui a As-Safaha, c'est quelqu'un qui est faible d'esprit, quelqu'un qui est faible d'esprit. وَقِيلَ عَنْ مُوسَى إِنَّ رَسُولَكُمْ أَلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ La Majnoun. Lorsqu'il parlait avec le peuple, le prophète à qui est venu à vous, il est Majnoun. Il n'est pas normal. وقالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إننا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Nous allons délaisser nos divinités pour quelqu'un qui est un poète qui n'a pas de raison, quelqu'un qui n'a pas de raison. وقال أهل النفاق في أتباع الرسل أنؤمن كما آمن السفهاء أنؤمن كما آمن السفهاء. Donc nous allons croire comme ils ont cru ceux qui n'ont pas de cerveau. Quand tu dis quelque chose de la religion de Dîn, ils disent, ah, vous êtes au Moyen-Âge. Vous êtes au Moyen-Âge. Ça, c'est la religion d'Allah, Azza wa Jal. Chaque musulman, il doit se conformer à la religion d'Allah. Et il ne regarde pas qui suit, mais il regarde le message. Il regarde avec quoi ont été envoyés les prophètes. Il ne regarde pas qui les a suivis. Si on devait suivre une chose par rapport au fait, en regardant les gens qui suivent cette chose, eh bien le monde, il serait égaré. Le monde, il serait explosé même. Pourquoi? Parce que, regardez aujourd'hui, Mathalan, il y a des gens qui n'ont pas de cervelle. Vraiment, qui sont des gens qui n'ont pas de religion, qui ont de la perversité, ils sont suivis par des millions de personnes. limite même ils l'adorent. Alors si on devait regarder les gens qui suivent, eh bien on suivrait n'importe qui. Mais nous, ce que nous regardons, c'est le message avec lequel est venu les prophètes. Et que ce message provient d'Allah Azza wa Jal. Et que il n'y a aucun égarement, aucun i'wijaj dans la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour cela que nous voyons dans notre époque aussi des choses comme cela. Comme ils disent, yani, ces gens-là sont des gens mtkhalfin. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens à l'époque de Nuh? Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Atlaqu alayhim alqab. Ils leur ont donné des noms. Regarde, lui c'est un sha'ir majnoun. Lui c'est un majnoun. Lui c'est un safih. Lui c'est... Tout cela parce qu'ils suivaient l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et nous aujourd'hui pareil. Quand une personne il s'accroche à sa religion, il revient à Allah Azza wa Jal, eh bien qu'est-ce qu'ils font? Ils lui donnent un ism. Chez lui-même. Fi baytihi. Dans sa maison. Ils lui donnent les mêmes noms qu'ils entendent sur BFM. Ils disent à ses enfants, t'as l'ahya toi, t'es comme ça aussi. Ils te donnent le nom qu'ils donnent à la télé. Pourquoi? Parce que la personne, il s'est conformé à la parole d'Allah Azza wa Jalla et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas regarder ceux qui suivent, mais il faut regarder la chose qui est suivie. Il faut regarder la chose qui est suivie. Et quand on sait que la chose qui est suivie, c'est la révélation d'Allah Azza wa Jal qui a été révélée aux prophètes, qu'ils ont appelé à son unicité et à la soumission à lui, eh bien l'être humain qui a une raison, comme j'ai dit déjà, saine et une sainte nature saine, eh bien il ne peut que se soumettre. Qui ne peut que se soumettre à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc, Inch'Allah, nous arrêtons ici. Subhanak Allah, bihamdik, shalallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.